On va réécouter que le message que nous a laissé Sandy. Apparemment, Sandy et Gérard ne sont pas d'accord. Ils disent que ce message a été truqué. Alors écoute. Oui, donc c'est Sandy, crise de babouinte. Moi, je suis amoureuse de toi, David Calin. Et je suis vraiment très, très amoureuse de toi. Alors moi, Sandy, j'adore la comédie. J'adore crise de babouinte, tout ça. Et ça, je te répéterai pas 100 fois. Crise de babouinte, je suis amoureuse de toi. Et j'adore la comédie. Salut. Voilà, donc apparemment, Sandy a fait une déclaration d'amour. Pensez c'est pas chaud. Qu'on le dirait en direct. C'est chaud. Allô ? Elle est un peu cochonne. Quoi. Bonsoir Sandy. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi Bruno. Allez, bonsoir prochaine. À vous. Alors qu'est-ce que c'est que ce message ? Tu peux me tutoyer. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce message que t'as laissé Sandy ? C'est dégueulasse. C'est des conneries. J'ai jamais laissé un message pareil. J'ai simplement dit fesse de babouin. Je lui ai dit fesse de babouin. Laisse-moi tranquille et lâche-moi les baskets. Bah oui, mais là tu dis ça parce que t'es en direct, mais parce que non, t'as les boules. Non, mais j'ai jamais laissé un message pareil. Ouais, après, tu me connais, Max, je ferais pas un truc pareil à Gérard quand même. Bah, je te connais, moi on m'a souvent dit que tu t'avais eu envie de le tromper, ouais. Donc je me pose des questions aujourd'hui pour Gérard. Non, mais ça, tu racontes ça. En plus, j'ai dit, oui, c'est vrai, je suis amoureuse. Je veux pas en dire plus, c'est tout. C'est des choses que je peux pas dire à l'antenne. Et tu peux pas en dire plus, est-ce que t'as envie de le cacher, est-ce que t'oses pas annoncer que t'es peut-être amoureuse? Mais ouais. C'est pas grave, de face de babouin. Parce que j'ai écouté. Non, mais face de babouin, je l'ai déjà dit, je connais même pas sa tête. Je sais même pas à quoi il ressemble, il n'y a rien du tout. Donc là, j'ai jamais été dire un message pareil. Hein. Vas-y, assume. Parce que là, il y a quelqu'un qui a dû trafiquer quelque chose. Et ça qui a dû. J'en sais rien, mais là, il y a un truc de trafic. En voilà, fait. On entend la bête derrière. Passe-nous, Gérard. Ouais, il y a la bête là qui. Tu peux nous passer Gérard ? Ok, bah je le passe, mais en tout cas c'est des conneries. Hein. D'accord. C'est pas, Bon, bah on va en tout cas entendre maintenant le mari de Sandy, à savoir Gérard, à savoir ce qu'il pense de ce message et tout ça. Et vous allez pouvoir d'ailleurs lui poser des questions. Alors Gérard, faut le temps qu'elle ouvre la cage. Gérard. Allô ? T'es là ? La bête. Ouais. Salut. Alors qu'est-ce que c'est que ce message ? Non, mais c'est des conneries. Alors déjà l'autre PD là qui parle quand Sandy parle, il ferme sa gueule, d'accord, l'auditeur de mes couilles. T'es toujours aussi vulgaire, Non, non, mais il va fermer sa gueule et c'est tout. Maintenant, si l'autre, le dénommé Charles, il se fait passer pour Tony dans les débats, donc dans ces cas-là, il s'écrase et puis la Carole pour Mégane. Ok, on se donne en sondeur, salut, à ce combat. Ils sont où? Tu crois qu'ils nous écoutent ce soir, ces deux aboutis? Bien sûr. Attends, tu les as là en direct. Qui? Tu les as là en direct. Qui ça? C'est la voix de Tony et la Carole, c'est la Carole de Tour, c'est la Mégane. Alors ok, on se donne en sondeur, salut à ces deux PD. Je tiens à démentir. Vous allez démentir, vous allez fermer votre gueule parce que Sandy vous emmerde et moi je vous emmerde. En même temps, j'ai un gars, il est énervé. Je pèse de babouin, ferme sa gueule au prétendu, parce que sinon, si je sors, il va se prendre une tête au carré, mais grave de ce grave. Il est énervé, c'est tout, il est cocu, il est énervé, c'est normal. Ouais, le cocu, il t'emmerde, d'accord? C'est normal, elle a envie de se faire bouffer la grillade, elle a le droit, c'est tout. Et toi, t'as envie de te faire bouffer ta bite par un crocodile? Alors vous fermez vos gueules, les auditeurs. T'as des business, c'est pas vous que je m'adresse. Vous fermez vos gueules, d'accord? Parce que je recherche deux flambis de mars 64. Voilà. je recherche trois connards comme toi qui disent des conneries, d'accord? Moi, je collectionne les flambis. Alors, tu fermes ta gueule et tu la fais enculer. Non, mais pourquoi t'es toujours aussi vulgaire, Gérard? Ils vont fermer leur gueule. J'ai écouté le débat. Attends, ils vont fermer leur gueule et je leur donnerai la parole s'ils en ont envie. Le débat était pas intéressant? On n'est pas concernés, d'abord. Non, mais de toute manière, ils vont pas parler de Sandy comme ça, d'accord? Sandy, elle vous emmerde tous. Mais tu savais à quoi t'attendre. Ce babouin, je t'emmerde. Tu savais à quoi t'attendre, Gégé? Bah, dans la gitanerie, c'est comme ça, tu savais. Elle était dans le milieu du break, tu savais à quoi t'attendre. C'est pas la première fois. Continue le break, un de ces quatre matins, toi, je vais te niquer. Ouais, heureusement, il n'y a pas de clébard ce coup-ci, c'est déjà un plus. Pauvre con, va. C'est vrai. Je sais pas quel âge que t'as, mais tu raisonnes comme un gamin de 5 ans, d'accord? Okay. Maintenant, tu vas fermer ta gueule au prétendu. Gérard, ce qu'on peut dire, c'est que donc ce message apparemment a l'air d'être truqué. Ouais, il a été déformé. D'accord. La pétasse de tour, tu fermes ta gueule. Sandy, elle est pas crédible. Et Gérard, la pétasse de tour, tu fermes ta gueule. Gérard, t'as voté pour Al Gore ou George Bush? Et ta sœur, elle a voté pour qui? Ma sœur, elle t'emmerde. Eh ben alors, tu vas lui sucer le cul. Ah là, ça va loin encore. Hein. Bon, la famille. En tout cas, Charles, Caroline et Cindy qui n'est plus avec nous et Guillaume, je vous remercie d'avoir pu participer à ce débat sur les poils. Avec plaisir. Et je sais pas, apparemment, d'après ce qu'on me dit, mais ça n'a pas l'air d'être vrai, que Charles serait le Tony. T'as pas lu. Non, et Caroline, c'est... T'as qu'à bien écouter la voix. T'as qu'à bien réécouter la DAT. Moi, je l'ai reconnu depuis le début. De toute façon, je vais écouter la DAT. t'es très attentivement. Je vais la passer dans des machines et je verrai bien. Ouais. Merci en tout cas à tous les trois. Bonne bourre. Ciao, merci d'avoir appelé, c'est sympa. Bon, Gérard, je ne suis pas du tout persuadé que Charles était bel et bien Tony. Hein. Non, c'est un auditeur qui a la même voix pratiquement, ouais. Mais c'est pas lui parce qu'on ne vérifie pas la soirée, il paraît. À vérifier en tout cas. Bon, Gérard, donc tu m'enlèves une bonne épine du pied, donc apparemment ce message a été truqué. C'est pas l'aise de Babouin. De toute manière, tu l'écoutes bien. Et si, parce qu'il a été truqué, parce que Sandy a laissé un message en disant comme quoi que Fesse de Babouin, faut qu'il lui foute la paix, donc c'est pas la peine de dire comme quoi qu'elle avait envie de câlin avec lui, et comme quoi qu'elle aimait la sodomie. C'est pas parce qu'elle a fait un truc une fois sur l'antenne, parce que tu lui avais demandé, c'est pas la peine de rebalancer ça constamment. Ben ça, je le dis directement à Fesse de Babouin, qui a dû, à mon avis, intercepter le message sur le répondeur et qu'il l'a changé de chez lui. Ah ben, si c'est lui, parce que de toute manière... Mais c'est lui, c'est sûr. Et avant que t'appelles, ça se trouve que c'est lui qui a essayé de joindre encore Sandy. Donc, qu'il arrête de nous appeler, parce que le jour où que je vais l'attraper, lui, il va morfler, mais ah, ça suffira. Ça va faire mal. Hein? Ça va faire mal. Je lui conseille d'arrêter. Voilà.